Chapitre 36e, au bout. Il y avait maintenant une question qui venait à tout moment aux lèvres des gens de Lestlewood. Où était le major Granville Barney? Les deux hommes avaient quitté ensemble le champ de course et l'un d'eux seulement avait été trouvé sur la route solitaire qui conduit de Chilton à Lestlewood. Si Olivier Alissel demeurait calme au milieu de ces scènes de désolation et de malheur, il n'en était pas de même de Mrs. Barney. Elle errait de chambre en chambre, disant à tout moment que son mari devait être mort, que sans cela il n'aurait jamais abandonné le baronnet. C'est en vain que les domestiques terrifiés essayaient de la rassurer. Le major était peut-être resté à Chilton, il pouvait être allé à Brighton, et avoir laissé Sir Rupert rentrer seul au château, il y avait sans raison probable pour qu'il ne fût pas revenu. « Ne me dites pas cela, » répétait-elle. « Je vous dis qu'il est mort. Sans cela, il sera revenu avec ce jeune homme. Pour l'amour de Dieu, qu'on aille fouiller la route entre les Lestlewood et Chilton. » Les grooms et les garçons d'écurie partirent à la brune à la recherche du major, comme les gens de Lestlewood étaient partis bien des années auparavant à la recherche de l'héritier perdu. Leurs recherches se terminèrent avant minuit. En fouillant à droite et à gauche chaque haie, chaque buisson, ils étaient arrivés à la sablière avec son trou et sa couronne de buissons. Là, étendus dans l'eau bourbeuse et sanguinolente au fond du ravin, ils avaient trouvé celui qu'ils cherchaient, pâle et défait, ses yeux vitreux contemplant la nuit. Avant le jour, ils l'avaient transporté à Lestlewood et déposé sur son lit, ce lit moelleux dans lequel il avait, pendant des années, dormi du paisible sommeil du juste. Sa femme, désolée et frappée de terreur, resta à son chevet tout le jour qui suivit, pleurant et se lamentant sur lui, tandis que dans tout le comté se répandait la nouvelle de son assassinat et que dans toutes les rues des villages voisins, on lisait une affiche déclarant qu'une récompense de 100 livres serait accordée à celui qui pourrait donner des renseignements qui amèneraient l'arrestation de l'assassin. Tous les jours, les magistrats du comté allaient et venaient dans le château comme au dehors, tandis que plusieurs agents de la police de Londres prenaient en toute hâte leur repas à l'office, interrogeant les domestiques, lesquels n'étaient que trop enchantés de pouvoir parler. En déshabillant le mort, on trouva une ceinture de cuir et un petit portefeuille à fermoir d'acier autour de ses reins. Ce portefeuille fut ouvert en présence de tous les magistrats réunis. Il contenait une demi-feuille de papier. C'était une espèce de confession écrite par le major Barney, signée par James Arnold, autrement dit Sir Rupert Lestle, et certifiée par Alfred Salamons. En voici la copie. Moi, James Arnold, autrement dit Sir Rupert Lestle, je confesse par le présent écrit que, à l'instigation de mon père, Gilbert Arnold, maintenant en Amérique, autant que je puis le croire, j'ai consenti à me faire passer pour Sir Rupert Lestle de Lestlewood, dans le comté de Sussex, et que par cette fraude, j'ai obtenu possession des biens du dit Sir Rupert Lestle, sachant parfaitement que le dit Sir Rupert Lestle est vivant actuellement dans le comté de York. Fait ce 10e jour d'octobre 1800 et quelques. James Arnold, dit Rupert Lestle, certifié Alfred Salamons. Alfred Salamons vint de son plein gré reconnaître sa signature. Les magistrats, surpris, lui demandèrent ce qu'il savait sur ce document. « Seulement ceci, messieurs, » dit l'Israélite, dont les yeux étaient rougis par les larmes, car le valet avait été sincèrement attaché à son maître. « Seulement ceci, messieurs, mon maître, ayant appris par hasard que ce jeune scélérat était un imposteur, aurait pu le faire traduire devant un tribunal et faire entrer l'héritier légitime de Lestlewood dans ses droits. Mais les tribunaux sont étranges, et la possession vaut titre, et l'héritier légitime ne se présentait pas, de sorte que mon maître pensa qu'il valait mieux laisser aller les choses, ne fût-ce que pour la jeune femme qui avait épousé ce faux Sir Rupert. De sorte qu'il a été complice d'un crime, dit l'un des magistrats, il a caché ce qu'il savait de cette infâme affaire, et a souffert que le véritable Sir Rupert fût frustré de ses droits. C'est bien mal, on ne peut plus mal. Il est mort, dit tranquillement M. Salamons. Si vous avez quelque chose à dire contre lui, vous ferez bien de ne pas le dire devant moi, car je l'ai servi pendant 19 ans et plus, et il a toujours été un bon maître pour moi. Après cette observation, M. Salamons tourna sur ses talons, laissant les magistrats s'arranger comme ils l'entendraient. Pendant tout ce temps, James Arnold, autrement dit Sir Rupert Lestle, restait sans connaissance, soigné de près par les deux célèbres médecins et à distance respectueuse par M. Dawson, car le médecin de campagne se cramponnait ferme au malade qui était tombé comme une bénédiction du ciel dans sa maison de Underhill. On ne savait rien dans la chambre du malade, ni même dans aucune autre partie du château, des découvertes importantes qui venaient d'être faites par les graves magistrats enfermés tous ensemble dans la chambre à coucher du major Varney. Pendant ce temps, à l'autre extrémité du Sussex, on faisait d'autres découvertes. Un homme à mine suspecte avait tenté de changer une banknote de 5 livres à l'auberge d'un village près de la côte. Le maître de l'auberge, qui, comme tout le reste du pays, était encore tout ému du meurtre du major, avait réussi à retenir l'homme pendant que par le télégraphe il prévenait les agents de la police à Littlewood. Les soupçons de l'hôtelier parcouraient les fils de fer de station en station, et 4 heures après, un vieux gentleman, à l'air grave, entra dans la salle où Gilbert Arnold fumait sa pipe en se régalant de gorgées de bière répétées. Le grave gentleman avait déjà arrêté une demi-douzaine d'individus sur un simple soupçon. Il ne fit donc aucune difficulté pour en arrêter un 7e, et avant la nuit, Gilbert entrait une fois encore dans la prison de Lewes. Les fouilleurs de cet établissement trouvèrent la montre du major et sa chaîne dans un coin de son havresac et ses banknotes dans les semelles de ses souliers. Cet homme semblait tout à fait étranger au péril qui le menaçait. Il laissa les gens de la prison faire de lui ce qu'ils voulurent. Il les regardait faire, et un éclat vif et surnaturel brillait dans ses yeux d'un vert jaune. Le prisonnier d'une cellule voisine l'entendit souvent se parler à lui-même dans le silence de la nuit. « Je suis revenu pour cela, » disait-il. « J'avais dit que je le ferais, et j'ai tenu ma promesse. Ils peuvent me pendre, si cela leur fait plaisir, mais j'ai tenu ma promesse. » Il prenait un sauvage plaisir à répéter cela en riant et en frottant ses mains noueuses l'une contre l'autre. À la lueur du jour naissant, le visage de sa victime lui apparut sur le mur de son étroite cellule. Mais il ne recula pas devant ce spectre hideux, comme aurait pu faire un autre assassin. Au contraire, il l'invitait et le défiait. « Je vous vois, » disait-il. J'aperçois vos yeux bleus hypocrites et votre sourire menteur, et vos favoris de renard, et votre bouche méchante et rusée, mais j'ai tenu ma promesse, et vous avez payé pour tout ce que vous avez fait. Les comptes sont réglés entre nous, Major Granville Varney. 3 jours après l'arrestation de Gilbert Arnold, son misérable fils expira. Pas avant toutefois d'avoir attesté à son dernier moment l'authenticité du document trouvé sur le major assassiné. « Oui, » dit-il d'une voix étouffée. « C'est ma signature. Mais ce n'est pas mon fait. Depuis le commencement jusqu'à la fin, c'est le major Varney qui a tout fait. » Un des médecins vint trouver Olivia dans son appartement pour lui annoncer la mort de son mari. Elle reçut cette nouvelle avec beaucoup de calme, mais quelques minutes après, pour la première fois de sa vie, elle tomba sans connaissance sur le plancher. On envoya chercher son père, et une fois encore, le vieux colonel pressa la chère enfant dans ses bras. « J'ai été cruellement punie de mon ambition, » soupira-t-elle. « Je n'ai connu dans ces murs que la misère et l'humiliation. Emmenez-moi, papa, emmenez-moi au bocage, à la maison, si je peux encore l'appeler ainsi. » Claribel Walsingham était à Hastings pendant que ces étranges événements se succédaient si rapidement. Un des magistrats, un des vieux amis de la famille, vint la trouver pour lui raconter ce qui s'était passé et la consulter sur le meilleur plan à adopter pour retrouver son fils, si le véritable Sir Rupert vivait encore. La première chose à faire était de mettre un avis dans le Times. Le voici. Sir Rupert Little. Toute personne qui pourrait fournir des renseignements sur ce gentleman est priée de bien vouloir les communiquer à M. Wilmore, notaire à Littlewood, Sussex. Ce fut Walter Morden qui, 2 jours après, y répondit en personne. C'était un récit bien étrange que celui que le jeune vicaire fit au notaire de Littlewood, récit en partie déjà connu du lecteur, et qui fut confirmé par la présence de Richard Saunders, le jeune homme mystérieux élevé à Belminster, et qui déclarait être bien le véritable Sir Rupert Little. Son histoire était suffisamment vraisemblable. Il raconta l'accident arrivé au lieu appelé Beecher's Ride, comment il s'était réveillé dans un hôpital où il était resté des mois entiers, et d'où il avait été emmené par un homme qui se disait son oncle George, mais qu'il se souvenait bien avoir connu domestique d'un gros monsieur à barbe blonde. Il parla du village isolé au bord de la mer où il était resté plusieurs années avec une vieille servante. Puis il raconta cette triste histoire à l'aide de laquelle l'oncle George, autrement dit Alfred Salamons, avait réussi à lui faire croire que tous les souvenirs de son enfance n'étaient que les hallucinations d'un cerveau malade. On envoya chercher M. Salamons afin qu'il confirmât le récit du jeune homme. Mais cet individu avait tranquillement quitté le château pendant que les magistrats se demandaient ce qu'ils allaient faire de lui. Il restait néanmoins plusieurs autres moyens de confirmer le récit du jeune homme connu sous le nom de Richard Saunders. D'abord, l'instinct maternel qui fit ouvrir les bras de Mrs. Walsingham, et qui fit sortir de ses lèvres une exclamation de joie, de plaisir et d'affection qu'elle n'avait jamais éprouvée pour l'imposteur James Arnold. Il eut le ravissement du jeune homme lui-même à la vue de sa mère. « Je me souviens de vous comme d'un rêve, ma mère » s'écria-t-il en sentant Clary Bell pendue à son cou. « Je me souviens si bien de vous, chère mère, mais vous aviez de belles boucles blondes alors, et j'avais coutume de jouer avec elles et avec votre chaîne d'or, et je me souviens de la chambre qu'on appelait la chambre des enfants, et le portrait de mon père. J'en ai parlé bien des fois, quand on disait que j'étais fou. » Mais la plus forte confirmation de tout son récit vint aux assises, quand Gilbert Arnold fut jugé pour le meurtre du major Granville Varney. Ayant été déclaré coupable, il fit le lendemain même une entière confession, non seulement du meurtre, mais aussi de la longue série de circonstances qui l'avaient précédé. Comment il avait été forcé par le major de substituer son propre fils au fils de Sir Reginald Nissle, afin que le major pût devenir, en usant de son influence sur l'imposteur, le véritable maître de Listlewood. Il raconta toute l'intrigue menée par l'officier indien et confirma la déclaration faite par Richard Saunders, autrement dit Sir Rupert Listle. Clary Bell rentra donc avec son fils dans le domaine qu'elle avait quitté pendant l'usurpation du jeune Arnold. Elle apprit à son retour que Mrs. Varney avait quitté Listlewood pour le continent, laissant une lettre et un paquet cacheté à l'adresse de Mrs. Walsingham. C'était une longue lettre écrite en long et en travers sur deux feuilles de papier. Clary Bell pâlit en la lisant, puis, d'une main tremblante, elle brisa le cachet du paquet. Il contenait une demi-douzaine de lettres très courtes, d'une écriture hardie. Elles étaient attachées ensemble par un ruban. C'étaient les lettres d'amour écrites autrefois par Sir Arthur Walsingham à l'actrice qu'il avait épousée à Southampton, l'actrice qu'il avait abandonnée le jour de son mariage et avec laquelle il avait plus tard négocié une séparation formelle avec l'aide du major Granville Varney, qui consentit à épouser la dame pour une somme d'argent fixée d'avance en faisant semblant d'ignorer son premier mariage. C'était l'explication du terrible pouvoir que le major avait exercé sur Arthur Walsingham. Clary Bell jeta dans le feu le paquet et regarda brûler les lettres jusqu'à ce que les derniers fragments du papier brûlé et noirci eussent disparu lentement dans la cheminée. Puis, le visage calme, elle quitta sa chambre pour aller retrouver son fils. Elle le trouva dans la salle à manger, contemplant le portrait de son père. « Rupert, » dit-elle, en posant doucement la main sur son épaule. « Rupert, vous apprendrez à m'aimer bien tendrement. J'ai eu jusqu'à présent une vie bien malheureuse, et je compte sur vous et mon pauvre enfant, Arthur Walsingham, pour mon avenir. Est-il nécessaire d'en dire beaucoup plus long ? Est-il nécessaire de parler de cette sinistre matinée où l'endurci et impénitent Gilbert Arnold sortit de la prison de Lewes pour subir la peine réservée aux grands coupables ? Est-il nécessaire que nous assistions à un jour plus heureux, un an après, où l'église de Listlewood vit se célébrer deux mariages et où le bedeau put reprendre son rôle important encore une fois ? Il n'y a pas grand éclat à ce double mariage. Les enfants du village ont des vêtements neufs, il est vrai, et ont pillé les bois et les jardins pour joncher le chemin de fleurs. On doit rôtir un bœuf à Listlewood Park. Il y aura de l'ale en quantité suffisante pour noyer la moitié de la paroisse. Mais il n'y a ni monde fashionable, ni longue file de voiture, seulement deux couples heureux accompagnés d'une douzaine d'amis. D'abord, la fille de M. Hayward, blanche, appuyée sur le bras de Sir Rupert Listle et souriant aux enfants de charité qui jettent des fleurs sous ses pas, tandis que derrière eux vient Walter Morden, ayant à son bras Olivia Marmaduke. Le colonel a mis la main de sa fille dans celle du vicaire avec un orgueil et un plaisir qu'il n'avait pas éprouvé lors du premier mariage qui avait paru si splendide. Le digne recteur de Listlewood obtint une meilleure cure de l'évêque du diocèse, et il laissa le charmant presbytère, entouré de jardins touffus, à l'ombre de la vieille tour grise de l'église, à Walter Morden et à sa femme. Les pauvres de Listlewood apprirent à bénir le jour qui leur amena Blanche, Lady Listle, la troisième, qui eut porté ce nom en moins de 20 ans. Au presbytère et au château régnait donc ce bonheur pur et simple, si intense dans sa douce tranquillité, qu'on tremble, comme à la vue d'un ciel pur, du moindre petit nuage qui s'élève à l'horizon. Mrs. Granville Varney vécut et mourut à Paris, laissant après elle une partie considérable de la belle fortune que le major avait acquise à l'aide de ses détournements de la fortune de Listlewood. La pauvre Rachel Arnold sortit de l'asile des fous du comté pour reprendre possession de la jolie loge gothique aux portes de Listlewood et pour entendre des voix d'enfants résonner sous la longue avenue de hêtre où Sir Rupert et son fils avaient joué 17 ans auparavant. Ainsi s'achève Lady Lisle par Marie-Elisabeth Braddon.